Transfert. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec Un autre jour est possible. Cette année, l'Amérique de Barack Obama a été secouée par les images de violence à Baltimore, et ce, moins de 2 ans après l'affaire Ferguson. Que se passe-t-il dans l'Amérique d'aujourd'hui? Quel est le sort des Noirs américains? Que devient le combat de Malcolm X et de Martin Luther King? C'est l'objet de notre série cette semaine, en compagnie de la spécialiste de l'Amérique, Nicole Bacharan. Malcolm X, Onandala, de l'Amérique et des droits civiques, c'est dans un instant. Et puis en deuxième partie, je serai avec Florence Delay, l'académicienne Florence Delay, qui parlera de sa vie comme au théâtre. C'est un récit publié chez Gallimard. Salam alaikum. Brothers and sisters. Malcolm X. We wake up, we clean up, and we stand up. And once we can stand up like a man on our own feet, we stop begging the white man. And we stop apologizing to the white man. We stop compromising with the white man. Malcolm X. Malcolm X, Onandala de l'Amérique et des droits civiques. Avec la politologue spécialiste de l'Amérique, Nicole Bacharan, aujourd'hui, deuxième épisode, l'islam des prisons. À quel âge le jeune délinquant d'Harlem est arrêté? À quel âge Malcolm X entre en prison? Il a 21 ans, hein, on est en 1946. Il a 21 ans, il a déjà beaucoup vécu, je trouve, pour un jeune homme de 21 ans. D'abord, il a vu son père assassiné, sa mère internée, en gros, victime vraiment de la pauvreté, de la misère, séparée de ses frères et sœurs. Son prof qui lui dit « Jamais tu ne seras avocat parce que tu es noir ». Il lui dit pire, il lui dit « Tu n'es qu'un nègre ». Et donc, c'est la même chose en pire, si l'on peut dire. Et un jeune homme donc déjà révolté, qui est devenu délinquant, petite criminalité, rien de bien reluisant à Harlem, finalement la prison. Et très très vite, au fond, c'est une période, bizarrement, j'ai envie de dire, une période de calme, une période de retour sur soi. Et puis surtout, il rencontre des musulmans noirs, c'est-à-dire des noirs américains. Ceux que rencontre Malcolm, évidemment, sont en prison, qui ont rejoint la Nation of Islam, la Nation de l'Islam, qui est un groupe musulman noir et qui va transformer, disons, la vision du monde de Malcolm X. Il se convertit de manière très sérieuse. Pour ne pas dire radical. Alors, bon, bien sûr, vous pensez bien, Nicole Bacharan, que lorsque vous parlez de Malcolm X, de cette période-là, il y a des échos avec l'actualité. Mais alors, justement, parlant de Nation of Islam, c'est quoi cette organisation? C'est vrai, je repars là-dessus. Il y a des échos avec l'actualité parce que le passage en prison, on le sait tristement, est souvent une période de radicalisation. Et on peut dire que Malcolm X se convertit, moi j'ai envie de dire, de manière très sérieuse. C'est-à-dire qu'il arrête totalement de boire, de fumer, il étudie beaucoup la religion, il prie, etc. Mais peut-être pas radical au sens où on l'emploie aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de dangereux, qui prévoit des meurtres ou des choses de cette nature. Et la Nation of Islam qu'il rejoint a été fondée en fait en 1930. Par un monsieur qui s'appelait Farb. Et en 1934, la direction a été prise par Elijah Mohammed, qui a changé son nom lui aussi, qui s'appelait Elijah Poole, et qui dirige ça d'une main ferme. C'est un petit monsieur comme ça qui a l'air, comment dire, assez modeste. Il a une petite voix, il n'est pas très charismatique ou très très bruyant, mais il tient ça de façon très solide, très efficace. Et il y a déjà à peu près 100 000 membres à l'époque où Malcolm se convertit. Mais alors, ces gens qui se convertissent à l'islam, ils se convertissent pour avoir une spiritualité spiritualité ou parce que cette spiritualité, cet islam, leur permet d'avancer dans le combat permanent pour les droits civiques. Les deux, mon général, les deux. Je pense qu'il y a une recherche spirituelle, une foi qui donne, disons, un mode de conduite, des règles morales, et des choses certainement très importante à découvrir quand on se sent seul et quand un peu perdu dans sa vie. Et puis par ailleurs, la Nation de l'Islam, donc ce groupe musulman, est un groupe militant pour la cause de l'égalité des Noirs. Et Elijah Mohamed, qui le dirige, organise également une sorte d'économie parallèle, enfin pas parallèle, mais une économie, disons, noire, avec des magasins, avec des écoles. Donc il y a une volonté de créer une société noire égale, mais pas mélangée, qui se sépare de la société américaine générale. Mais comme il y avait aussi des militants noirs qui étaient plutôt attirés par l'église que par la mosquée, est-ce que c'était pas déjà une première fissure dans le mouvement noir pour les droits civiques? En fait, je crois qu'on peut considérer qu'il y a beaucoup de sources à ce mouvement des droits civiques. Vous citez évidemment les musulmans, les chrétiens comme Martin Luther King, les baptistes du Sud hein, qui jouent un rôle très important. Vous avez aussi, alors ils sont peut-être chrétiens, mais vous avez aussi beaucoup de juristes, d'avocats qui eux militent au nom de la loi, j'ai envie de dire au nom de la Constitution, et puis qui font procès sur procès pour essayer d'aller démontrer devant la Cour suprême un jour que l'inégalité, la ségrégation est inconstitutionnelle. On pourrait les appeler les laïcs, ceux-là, par exemple. On pourrait les appeler les laïcs parce que leur militantisme est laïque, mais eux-mêmes ne sont pas forcément dépourvus de croyances. Et alors, chacun se retrouve dans un camp différent ou est-ce que tout le monde finit par se retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire le combat pour les droits civiques? Les buts sont généralement communs. Ouais. Les buts, c'est l'égalité des droits. Et c'est déjà suffisamment difficile à essayer d'obtenir. On a du mal à imaginer, on a beaucoup de mal à imaginer ce que pouvait être l'Amérique des années 40-50, à l'époque où Malcolm X, justement, sortira de prison. Je veux dire, la ségrégation, elle est radicale. Dans le Sud, qui est encore beaucoup plus ségrégué que le Nord, je veux dire, tout fonctionne selon le système de la séparation des races. C'est-à-dire que vous avez déjà les quartiers qui sont différents. Et les quartiers noirs, c'est les quartiers pauvres. Vous avez les écoles qui sont séparées, les magasins. Dans le cinéma, vous avez l'entrée pour les noirs, l'entrée pour les blancs. Les noirs sont au balcon. Dans les autobus, on le sait, les noirs doivent se tenir à l'arrière. Même les prisons sont séparées, les hôpitaux, les orphelinats, même les cimetières. On est dans un système absolument, absolument fou. Donc le but, évidemment, pour tous, c'est de faire exploser ce système, que ce soit d'une manière dure ou d'une manière plus légale. Mais il y a une particularité au militantisme de la Nation de l'Islam et de Malcolm X quand il sort de prison, c'est qu'ils veulent le séparatisme. Et ça n'est pas du tout, par exemple, le cas de Martin Luther King. Martin Luther King milite pour une égalité des droits dans l'Amérique telle qu'elle est. Malcolm X bientôt militera pour un État ou quelques États noirs indépendants de la Fédération américaine. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est là où Malcolm X, le discours politique de Malcolm X, va se forger en prison avec la Nation de l'Islam? Oui, complètement. Et avec donc Elijah Mohamed. Complètement. Elijah Mohamed, Malcolm X le rencontrera quand il sortira de prison, ça va devenir son père spirituel. Le père qu'il n'a pas eu, finalement, celui qui l'adopte, qui lui donne de l'affection, mais qui lui donne aussi une direction, un modèle. Et avec le recul, comment le présenter aujourd'hui, Elijah Mohamed? Un intégriste, un progressiste? Je pense que c'est un homme d'affaires extrêmement avisé. Donc un opportuniste? Plutôt, franchement, plutôt. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Nicole Bacharan? Mais écoutez, je pense que c'est un peu les déceptions que Malcolm X exprimera à son égard qui éclairent ce personnage. Donc à ce moment-là, même s'il s'entend très bien, même s'ils sont en train de peaufiner un vrai discours radical pour les droits civiques, chacun est là pour des raisons différentes. Malcolm X, on peut dire qu'il y croit à ce combat, et Elijah Muhammad, est-ce que à ce moment-là, il y croit ou pas ? Il y croit en partie. Il doit certainement, je n'ai pas le secret de son cœur bien sûr, mais il doit certainement croire à sa foi musulmane. Il doit croire à la nécessité de lutter pour l'égalité des droits des Noirs. Il prêche un séparatisme que Malcolm X défendra avec énormément de flamme, et je crois qu'on peut le dire, énormément de talent. On s'apercevra qu'au fond, Elijah Muhammad n'y croit pas. Mais pourquoi Malcolm X est obligé de se convertir à l'islam ? Je crois que rien ne lui oblige. Je crois que rien ne lui oblige. Mais je pense que ce qui l'attire, c'est que par les musulmans noirs qu'il rencontre, cela lui est présenté comme une religion pour les Noirs. Une religion pour les Noirs qui marque au fond une rupture et même un rejet catégorique à ce moment-là, en tout cas, de l'Amérique blanche, des chrétiens blancs, des juifs également, parce que c'est triste à dire, mais il y a aussi de l'antisémitisme dans les convictions de Malcolm X à ce moment-là. Comment elles s'expriment, ces convictions antisémites ? Elles s'exprimeront plus tard, quand il sera sorti de prison, évidemment, et qu'il tiendra des discours, et qu'il lancera des diatribes sur les propriétaires juifs, la presse juive. Donc des choses qui sont extrêmement déplaisantes, qui choqueront d'ailleurs beaucoup Martin Luther King. Mais en tout cas, cette conversion à l'islam lui offre une religion qu'il perçoit comme noire, qui rejette l'Amérique blanche, et qui, dans son optique, est supérieure à toutes les autres religions et s'inscrit dans son idée que la race noire est supérieure, c'est comme ça qu'il voit les choses à ce moment-là, aux autres races. Et son opposition au mouvement des droits civiques de Martin Luther King, elle s'exprime déjà là, en prison ? Elle s'exprimera assez vite, en tout cas, et de manière assez catégorique. Il reprochera à Martin Luther King ce que lui reprocheront beaucoup d'autres jeunes militants qui ne seront pas forcément des disciples de Malcolm X. Il lui reprochera d'être trop aimable, d'être trop gentil, d'être un oncle Tom, comme on le dit aux États-Unis pour insulter, c'est une insulte, un gentil noir bien soumis, bien content de servir les Blancs. Il lui reproche de demander, d'être dans la quête, pas dans la supplication, mais enfin dans l'arrangement avec l'Amérique blanche. D'après Malcolm X, tout ça est absurde. Les Noirs n'ont rien à voir avec les Blancs, ils leur sont très supérieurs, et il n'y a rien à supplier d'avoir. Ces choses-là nous sont dues depuis le début. On n'a pas même pas à les demander, en tout cas pas trop gentiment. Comment il va imposer son leadership, Malcolm X ? Je crois qu'un des secrets, c'est ce qu'on entend au début de cette émission, c'est sa voix, ce sont ses discours. D'ailleurs, alors là, vraiment quelque chose de comparable à Martin Luther King. Tous les deux ont des voix absolument magnifiques, des voix pleines, des voix de prêcheurs, vraiment, avec un rythme d'ailleurs de prêcheurs. Malcolm X a le sens de la formule, il est servi par cette voix incroyable, par ce rythme, cette diction très particulière. Il faut dire aussi que c'est un très beau garçon, avec une véritable prestance. Et puis, il a cette flamme, il y croit vraiment, il n'y a aucun double jeu chez lui. Et il est très charismatique et il est très choquant aussi, je crois, pour son époque, pour l'Amérique blanche, pour les médias, quand il commence à passer dans les médias, il est très choquant. Les gens retiennent leur souffle, ils font « Oh !» Et à cause de ça, évidemment, il devient un porte-parole très populaire. On verra ça mieux demain, Nicole Bacharan. L'enfance américaine de Malcolm X, c'était hier. Aujourd'hui, on a parlé de la prison et de sa conversion, et demain, de sa radicalisation. C'est notre série Malcolm X, Onan Dallah de l'Amérique et des droits civiques, que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. À demain, Nicole Bacharan. À demain. Un autre jour est possible. Tous les matins sur France Culture. par Tufik Hakem. This new strategy coming in. It'll be Molotov cocktails this month, hand grenades next month, and something else next month. It'll be ballots or it'll be bullets. It'll be liberty or it will be death. Et maintenant, l'invité culturel. L'invité du jour, Florence Delay, bonjour. Bonjour. Académicienne, mais là on va parler de votre dernier livre, La vie comme au théâtre, édité dans la collection Blanche de Gallimard. C'est un récit, et votre récit, Florence Delay, est beaucoup mieux qu'un livre de souvenirs, même s'il est arrangé dans cette catégorie, car au-delà des faits relatés, de votre histoire toute personnelle, un milieu précis, dans une époque particulière, il y a des questions qui s'adressent à tout le monde, à tous les lecteurs, à tous ceux qui auront la chance de lire votre texte, et c'est à propos de la vie, d'une philosophie de la vie, jouer le jeu de la vie. Comment choisir ces rôles, ces personnages, ces partitions, c'est ce que nous faisons tout le temps, et vous, vous nous rassurez en disant, bah, c'est l'essence même de la vie, jouer. C'est peut-être ce qui nous relie à l'enfance, qui fait le lien entre le jeu enfantin, parce que qu'est-ce que l'enfant aime de plus que jouer ? Et il me semble qu'on peut continuer à jouer, c'est-à-dire pas du tout à s'amuser ni à se divertir, mais à explorer. Et si j'ai tant aimé le théâtre, c'était qu'il explorait des mondes, des êtres différents, et que si on joue au théâtre, on a l'impression d'enfiler, avec le costume, d'enfiler un rôle. Sauf qu'avec vous, les représentations continuent après le spectacle. Et c'est très passionnant quand vous racontez comment vous jouez dans la vie de tous les jours. Mais parlons du théâtre, cette passion de jeunesse, de prime jeunesse même, toujours intacte aujourd'hui visiblement. Alors, bien sûr, on connaît vos écrits, vos romans, vos essais et proses, on sait que vous êtes académicienne, mais votre vie théâtrale, si j'ose dire, est tout aussi riche. Vous avez été régisseur stagiaire au Festival d'Avignon, assistante de Raymond Rouleau au Théâtre du Gymnase, de Georges Wilson au Théâtre National Populaire. Vous avez traduit la Célestine, c'est incroyable, de Fernando de Rosas, comment on dit ? De Rojas. vous avez aussi traduit et permis à d'autres auteurs espagnols de faire l'entrée au répertoire de la comédie française. Vous avez aussi écrit sur le théâtre avec passion, des fois même en faisant la critique de pièces qui n'ont jamais été montées. C'est incroyable. Et enfin, avec Jacques Roubaud, ça on s'en souvient, vous avez composé un cycle de 10 pièces, Graal Théâtre, sur la matière bretonne. Mais cette passion, ce goût de la représentation, sont encore plus anciens pour vous. Hein. C'est-à-dire, comment vous avez... C'est à partir de votre enfance, à partir de... Est-ce que je peux me permettre de vous dire que vous avez oublié quelque chose de très très important ? Sans doute, mais votre vie est tellement riche. J'ai été souffleur. Et vous avez été, effectivement, c'est-à-dire que... Et ça, souffler, c'est très difficile. Je crois que les souffleurs n'existent plus dans les théâtres. Mais... Ah, maintenant, il y a des prompteurs. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que être souffleur dans le trou du Palais des Papes à Avignon et souffler à Villars, je vous jure, c'est une expérience inoubliable. Que vous racontez très bien, d'ailleurs. Et c'est incroyable. Alors, justement, ce jeu, ça commence à l'enfance, avec les jouets, avec les poupées, avec... Oui, les poupées, les dinettes... l'imitation des grands. Par exemple, j'adore jouer le docteur. Mmh. Et donc, je prends un chapeau de mon père et une serviette sous le bras. Voilà, toutes ces incarnations possibles. Aussi, j'aime beaucoup Garçon de café. Tout, passer avec un plateau entre des livres et des meubles et dire « un pastis, petite, on déguste ». Toute cette imagination qu'ont les enfants et que, hélas, certains perdent après. Alors, votre amour du théâtre est filial, Florence Delay. C'est votre père qui vous fait découvrir Beckett, mais c'est lui aussi qui vous fait toute une scène, une nuit où vous rentrez tard d'une répétition avec Raymond Rouleau. Et là, il vous impose un drôle de marché, hein. C'est-à-dire les études, oui, d'abord, ma fille. Ça a été, à l'époque, ressenti de façon douloureuse. Voilà, parce qu'il a été clair. Il a dit, ou je t'aide matériellement, et je t'achète un studio, et tu prépares l'agrégation d'espagnol, ou tu poursuis la vie théâtrale et tu te débrouilles. Alors, ni rebelle, ni soumise, mais très entêtée, très intelligente, elle va tout accepter. La proposition du père, et une fois qu'elle a tout, les diplômes, l'appartement, et ben vous revenez au théâtre. Écoutez, j'aimais bien l'idée de ne rien lâcher. Alors évidemment, il y a des épreuves, il y a eu des années sans théâtre. Bon, ça a été un peu poignant. Mais après, je me suis rendu compte qu'il avait eu entièrement raison. Parce que l'agrégation d'espagnol, d'abord, c'était avancer dans une langue, une civilisation que j'aimais profondément. Et ensuite, j'ai gagné ma vie ainsi. Donc il avait raison. Mais le théâtre nous a jamais quittés dans cette courte période ou cette parenthèse d'études. Il si, était présent. Si, parce que quand j'ai abandonné, enfin quand j'ai choisi l'agrégation... J'avais un peu honte d'aller au théâtre. Ah oui. J'ai été quelques années sans y aller. Mais je me suis rattrapée quand je suis devenue chroniqueur dramatique à la NRF. Mmh. Alors là, j'y allais et j'écrivais là-dessus. Mais ça a mis du temps à cicatriser quand même. Parce qu'on a l'impression que vous êtes tout autant passionnée du théâtre aujourd'hui, Florence Delay, que c'est une passion qui n'a pas pris de ride. J'ai cette impression ou vous êtes plutôt... nostalgique de certaines époques du théâtre français. Non. La nostalgie est un sentiment qui ne m'intéresse absolument pas. Et qui n'apparaît pas d'ailleurs dans vos souvenirs, ce qui est bizarre. Non, ouais. Mais je recommence à aller pas mal en ce moment au théâtre. Et évidemment, je vais revoir des choses que j'avais vues autrefois, par exemple. Je me souviens avoir assisté à la création de La Bête dans la jungle d'Henry James, adapté par Marguerite Duras, avec Samy Frey et Delphine Seyrig. Je vais le revoir aujourd'hui, joué par Valérie Tréville. J'ai vu Espèce d'espace de Pérec, monté par Daniel Zerki, dont je parle aussi dans ce livre. Et là, je vais aller le voir, mis en scène par Anne-Marie Lazzarini aux AT20. Il y a aussi sera notre invité bientôt. C'est vrai? Bien sûr. Ah, c'est bien. Ouais. Oui, donc il y a aussi cette espèce de... Maintenant, vous savez, ma spécialité à l'université, ça a été la littérature comparée. Mm-hmm. Alors maintenant, je fais un peu de théâtre comparé. Mais je ne suis pas toujours de bonne foi. Auriez-vous accepté ce siège ou cette place à l'Académie française s'il n'y avait pas justement toute cette mise en scène, la robe, le couturier que tout le monde s'arrache, qui va venir travailler pour vous, pour votre entrée à l'Académie française? S'il n'y avait pas ce côté mise en scène, est-ce que vous auriez été attiré par cette noble assemblée? Ça doit être un drôle de théâtre à l'Académie, non? Oui, il y a une partie théâtre. Est-ce qu'on joue un rôle? Certains. Est-ce que vous jouez un rôle, Florence Delay? C'est difficile de jouer un rôle à la commission du dictionnaire, vous voyez. Incarner un mot... Non, mais à la cafette, dans les couloirs, à la bibliothèque, dans la vie, à l'intérieur de cette... Écoutez, je peux simplement vous dire que ce n'est pas ma cour de récréation. Bien. Qui vous a donné envie de revenir sur vos souvenirs en privilégiant le théâtre? Parce que c'est un peu ça, la vie comme au théâtre, alors que des souvenirs, vous avez déjà publié vos souvenirs. C'est-à-dire que j'aime bien les obliques Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Mes cendriers ». Ah oui, c'est vrai, c'est un livre de souvenirs. Mais ça partait d'un objet. Mm-hmm. C'est-à-dire l'objet suscité... Parce que vous voyez, en fait, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Mais des tissus, des objets, des sons la ressuscitent. Par exemple, ça peut-être que c'est féminin, les étoffes. Les étoffes, par exemple, les... vous voyez, une paire de rideaux choisie par ma mère ramène des souvenirs de ma mère. Sans les rideaux, qu'est-ce que je fais? Et enfin, pour terminer, Florence Delay, est-ce qu'on raconte tout dans un livre de souvenirs? Ou pour être plus précis, qu'est-ce qu'on ne raconte pas? C'est quoi, quel est le tri que vous faites? Alors, le tri a été très clair. D'abord, ce que j'ai oublié. Ce que j'ai voulu oublier. C'est-à-dire l'ombre et les ombres. J'ai voulu écrire un livre lumineux. Et qui gardait, je sais pas, l'odeur et les couleurs des prairies. Je n'ai pas voulu m'approcher des berges malheureuses. Pourquoi ? Je crois qu'il y a suffisamment de douleur au monde pour... Non, mais parce que, franchement, cette passion du théâtre, et du coup, à travers le théâtre, de la vie, elle est contagieuse. Donc, de ce côté-là, c'est complètement réussi, Florence Delay. Mais on se dit, et peut-être qu'on se trompe, mais on se dit, elle a eu une belle vie. C'est un conte de fées que la vie de Florence Delay. Un conte de fées qui continue, d'ailleurs. Or, on le sait... que ce n'est pas tout à fait ça, non? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a eu comme dans toute vie, des crises graves. Mm-hmm. Mais je ne souhaitais pas traverser cela. Je souhaitais retraverser les surfaces heureuses. Pourquoi? Pour pouvoir avoir du bonheur à transmettre ou... Pour que vous soyez content. Mm-hmm. Je veux dire, pour moi et pour mon lecteur, vous savez... si j'arrive à vous faire, enfin, à faire rire, à faire sourire, ou à faire éclater de rire par moment, je trouve que c'est un cadeau. On sourit, on rit, on est attendri, et des fois on est pris carrément par des fous rires. Mais Florence Delay, vous avez bien compris que le fond de ma question, c'est est-ce que vous faites exprès d'aller à contre-courant de la littérature française d'aujourd'hui? Parce que généralement, on raconte plutôt oui. Le côté sombre, nos oui. Angoisses. Est-ce que vous vous êtes dit, eh ben moi, je vais faire exactement le contraire? Oui. Eh ben voilà. Vous devrez revenir plus souvent dans cette émission. La vie comme au théâtre, c'est édité chez Gallimard. Merci beaucoup, Florence Delay, d'être passée ce matin. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours à 6h à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast, disponible sur franceculture.fr. À demain!